Chapitre 3. Puis des gros mots, sans qu'on sût qui avait commencé. Hortense et Chichite en vinrent aux voix de fête. Hortense, comme une chatte enragée, souple et terrible, bondissait. L'autre, imposante par la masse, un vrai dromadaire dont les deux bosses semblaient n'en faire qu'une, assénait dans le vide de formidables coups de poing. D'abord, elles ne se firent pas grand mal. Une gifle bien appliquée chanta pourtant sur la bonne grosse joue de Chichite. Mais le nez retroussé d'Hortense fut tout de suite en sang. Folle alors, poussant d'aigus cris de rage, celle-ci fit un saut en arrière, et ramassant son en tout cas tombé au commencement de la dispute, elle voulut en assommer l'autre, mais la pomme lui resta à la main, tandis que l'en tout cas se brisait contre la baraque. D'émotion, la marchande renversa une carafe de limonade et se mit à crier à la garde. Amusée et grossissant à vue d'œil, la galerie se tordait. Quand la garde arriva enfin, il fallut un certain temps pour relever et séparer les deux femmes, qui, réunies par les hasards de la rixe, ne formait plus qu'un être, un monstre informe, roulé à terre, gigotant de ses huit membres enchevêtrés, ballottant ses deux têtes, en train de se griffer lui-même, de se mordre. Cela au milieu d'une pelouse de jeune gazon, fraîchement arrosée et devenue un lit de vase noirâtre.